Savez-vous également qu'avant cette version chantée par Dev, Runaway avait été adaptée en français par André Salvé et Lucien Maurice, ça date pas d'hier, hein, sous le titre « Mon amour disparu », chanté par Rocky Volcano, également en 1961, puis également par Richard Anthony et Orlando. Fadjet, la chanson française. La chanson française. Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Maintenant, une nouveauté. Alors, vous connaissez déjà la chanson et son interprète s'est fait remarquer au concours Eurovision de la chanson. Ah, mais j'avais oublié de vous dire que Dev, on lui avait consacré un coup de cœur le 14 janvier 2021. Alors, revenons à cette nouveauté. Cette fois-ci, elle nous propose un duo, une version duo avec Katerina Stidkoudi, qui est une chanteuse, actrice, présentatrice télé, mannequin, entrepreneur, championne de natation grecque. En 2005, elle fut élue Miss Hellas au concours Miss Star Hellas et représenta la Grèce au concours de Miss Monde, carrément. De qui s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Tout simplement de la chanson de Lazara, évidemment. Nouveauté. Nouveauté. Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Μια λόγενο ψυχή, μηδέν, να ζω, προσπαθώ, μα δεν. Dans mon jardin d'enfer pour 94.2. Je vous avais annoncé qu'elle partagerait cet été 2023 avec nous chaque semaine, c'est Sheila. On va écouter une chanson qui avait été proposée pour la sortie de l'intégrale de l'artiste en 2006. Très très jolie chanson, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Elle aurait dû être dans les premiers du hit parade, mais pas suffisamment diffusée sur les radios, bien sûr. Première fois sur scène en 2006 au Cabaret Sauvage, L'amour pour seule prière. cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Si je vous parle d'Hervé Villard, sachez qu'après la contre-escarpe à Paris, les Francofolies, il sera le 4 novembre à Lyon, le 11 novembre à Bourges, le 18 novembre à Nantes, le 25 à Bordeaux, le 2 décembre à Marseille, le 9 à Toulouse et le 16 au Mans. Je vous propose de le retrouver dans son plus grand succès, Caprice est fini, mais j'ai envie de vous étonner durant ses émissions estivales. Donc on va écouter la version espagnole. No volveremos más a esa isla serena. No volveremos más a esa isla de amor. No volveremos más. Ya no vale la pena. Volveremos más, solo queda el dolor. Capri, se acabó. Pensar que ahí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar de devolver. Capri, se acabó. Pensar. Ese lugar de volver. No volveremos más donde yo te amé tanto. No volveremos más a vivir nuestro amor. A veces yo quisiera poder recomenzar, pero sé que es inútil. Tú te has de negar. De nous rejoindre, sachez que vous écoutez. Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Alors Hervé Villard, que l'on vient d'entendre, on lui avait consacré une émission Coup de cœur le 11 juin 2020. Passons à une chanteuse française que l'on a mis à l'honneur le 7 mai 2020. Elle est née en octobre 47 à Paris. Elle nous a quittés en janvier 2018. Eh oui, ça fait déjà 5 ans. À Neuilly-sur-Seine. Elle s'appelle France Gall, bien sûr. L'origine de son nom, il s'agit d'un diminutif du nom de baptême Gall ou diminutif de Gall. Ça veut dire coq. Et c'est dans le Bas-Rhin, et notamment dans la région de Sélestat, que l'on trouve le plus de Gall, notamment à Rochheim, pour la famille de France Gall. Une autre forme du nom Gall est également de souche bretonne. C'est une approche un petit peu particulière. On l'écoute dans une chanson que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre remasterisée, revisitée. C'est un enregistrement qui s'est effectué en Angleterre. Elle l'a, elle l'a. écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Quelque chose se prépare, mais quoi ? Eh bien, le mardi 2 mai dernier, dans un message énigmatique posté sur son compte Instagram, Julien Doré a dévoilé le projet sur lequel il travaille en ce moment. En effet, le chanteur tourne actuellement la nouvelle série de TF1 dont il a décroché le rôle principal, intitulée Panda, la comédie policière qui comptera 6 épisodes de 52 minutes, sera centrée sur un ancien flic vegan, convaincu, pacifiste et matcha addict qui ne possède pas de portable, ni d'ordinateur, ni de voiture. Installé en Camargue avec son ado de 16 ans dans un parfait cocon de paix et de sérénité, il sera pourtant contraint de reprendre du service, bien sûr, mais à sa façon, sans armes ni violence, et pas trop tôt le matin. On l'écoute dans une reprise d'un tube énorme, le seul quasiment de Ozone, Dragostea Dinte, je ne sais pas si l'accent y est, Julien Doré. Coup de cœur du 23 avril 2020. Din te, n-amintesc de ochii tăi. Maia, Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Que se passait-il justement dans notre émission Coup de cœur le 16 juillet 2020 ? Eh bien, c'était Olivia Ruiz qui était à l'honneur. Nom de scène d'Olivia Blanc. Elle est auteure, compositrice, interprète, actrice, réalisatrice et romancière. Elle est née en 80 à Carcassonne. Depuis 7 ans, Olivia Ruiz est l'heureuse maman d'un petit garçon prénommé Nino. Et ce qui va suivre, c'est tout simplement une tuerie. Le slow sur lequel vous pourrez faire des merveilles, c'est une reprise d'une chanson de Zazie, J'envoie valser. Écoutez plutôt. Coup de cœur du 3 septembre 2020. Alors, on va parler de lui par rapport à sa fille. Alors qu'elle participait à l'émission Un dîner presque parfait, spécial famille de stars, la fille de Julien Clerc s'est confiée sur son célèbre papa. La jeune femme n'a fait que des compliments du chanteur de 75 ans. Vanille a tout d'abord évoqué sa profession, puisque c'est loin d'être anodin. Elle est chanteuse, auteure, compositrice, interprète aussi. Une passion de la musique qu'elle partage avec son père, a-t-elle précisé. Je vous propose de l'écouter, Julien Clerc, dans un extrait de son dernier album, une reprise d'une chanson bien connue, puisqu'elle a été chantée par, mise en évidence par Yves Montand, à bicyclette, tout simplement. C'est le moment d'en faire s'il fait beau. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette,

attestation qu'on signe, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Impressionnable par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance les instruments de leur démence. Oh non, non, non, non, non, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, non, non, non, non, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Qu'une radio. Mais moi, je trouve que c'est sympa de rester ensemble durant cette période estivale dans l'émission Coup de cœur, des émissions inédites. Le 18 juin 2020, c'était Calogero qui était la tête d'affiche. Eh bien, il est de retour en live en 2024 avec Amour Tour, A-M-O-U-R. L'occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes, mais aussi de découvrir de nouveaux titres, bien sûr. Il sera en tournée en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et notamment à Paris La Défense Arena le samedi 9 mars 2020. 24. C'est loin et ça va passer vite quand même. Alors Marie Poulain, c'est une nouvelle auteure du célèbre chanteur. On sait seulement qu'elle est formée au théâtre, au piano et à la guitare. C'est elle qui a écrit les paroles de ce qui va suivre, Hall des départs, tandis que Calogero a composé la musique pour accompagner son texte. On écoute ce nouveau duo. Nouveauté. Dans le hall des départs, restes sont toujours tristes. C'est comme de rester là, à regarder partir le protagoniste et le hall des au revoir. Je sais qu'il faut que tu t'en ailles, mais attends encore qu'on se regarde en détail. Dans le hall des arrivées, se rapprochant, c'est le hall des retrouvailles, là où le temps s'arrête, où le désir s'emballe. Je ne sais jamais trop où me mettre. Bientôt on se rapproche de l'arrivée ou du départ. Bientôt on sera loin, pour ça on est toujours en retard. Bientôt on se rapproche ou loin, mais ce n'est que provisoire. Bientôt on se rapproche de l'arrivée ou du départ. Bientôt on sera loin, pour ça on est toujours en retard. Bientôt on sera loin, oui, loin, mais ce n'est que provisoire. Aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Si je vous dis « On lâche pas l'affaire », ben c'est 14 titres inédits, écrits et composés de manière instinctive et exaltante par Benabar. Un an, deux albums, c'est sa réponse à une inspiration bouillonnante et une envie urgente de la partager avec son public. C'était notre coup de cœur du 3 septembre 2020. Je vous propose de le retrouver non pas dans un extrait de ces deux albums, parce qu'on fait un petit peu des choses atypiques dans notre émission. Ça va être un duo, alors une bonne blague qu'ils ont fait avec Tété. Ça s'appelle « Une bonne paire de claques ». Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment de la plaisanterie, bien sûr. Drapé dans ton habit de suffisance, tu avais un peu chaud, me semble-t-il. Mieux qu'un soda, qu'une révérence, j'ai un truc sans sas pour les problème de cheville. Une bonne paire de claques, rien de tel pour faire circuler le sang. C'est du miel en plaques, c'est revigorant comme melon de clair. Aussi vrai qu'on ne compte pas quand on aime, je me propose de te l'administrer moi-même. Les gens ne seront de plus service. Au diable la mesquinerie et l'avarice. Une bonne paire de claques, rien de tel pour faire circuler le sang. C'est du zen en snack, c'est vivifiant. Une bonne paire de claques, rien de tel pour te remettre de. Un peu comme une caresse, mais plus rapide. Grand prince, je laisse à d'autres le privilège, l'ami, de te la bien foutre, ta danse. L'entends-tu qui se presse le cortège de ceux et celles qui s'y colleraient volontiers, je pense. Une bonne paire de claques, rien de tel pour faire circuler le sang. C'est du zen en snack, c'est vivifiant. Une bonne paire de claques, rien de tel. Voilà, c'était Benabar avec Tété. Avant de nous quitter, je vous l'avais dit en début d'émission, on va retrouver Claude Barzotti qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et quoi vous dire, si vraiment la séparation est insupportable, si vous voulez nous retrouver, réécouter les titres contenus dans cette émission, réécouter l'émission dans son intégralité, c'est bien sûr grâce au podcast de Fadjet. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. La maison dans la colline, je la bâtirai pour toi. La fougère et l'aubépine, la menthe et le résida. Et comme dans la maison dans l'île, les plafonds y seront bas. Tu verras, tout sera facile, loin de tous ces combats. Na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. La cuisine en pavé bleu, et puis la table en gros bois. Ils aimeront tous tes yeux, tout sera comme chez toi. Les fenêtres s'ouvriront sur la mer en contrebas. Et s'il n'y a pas de moutons, il n'y aura pas non plus de soldats. La maison grande, elle ressuscitera. Sur une forte pente, on la reconstruira. La maison d'Irlande, on la quelque part dans les Landes, auprès de Carpentras. Na na na, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. www.fadjet.net. Eh bien, c'est une heure encore bien agréable que j'ai passée en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un troisième numéro de ces coups de cœur d'été. Donc, vous avez bien compris le principe. On revient sur les vedettes que l'on a mis à l'honneur, que l'on a mises à l'honneur durant ces quatre saisons d'émission. Et puis, on agrémente ça de quelques nouveautés. Et puis, les titres que l'on vous diffuse, ce ne sont pas nécessairement les plus connus. Il y en aura, bien sûr, des très célèbres, comme d'habitude, dans notre émission. Passez une excellente semaine. Je vous laisse en compagnie de la suite des programmes sur Fadjet 94.2 et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, profitez bien!